Au cours de la première émission, nous avons précisé comment nous allions mener notre enquête d'histoire économique et nous avons brossé à gros traits une image de l'économie atlantique du XVIe siècle. Nous avons aussi annoncé comment nous entendions montrer que la socio-économie canadienne avait fait l'expérience de quatre grandes discontinuités dans son évolution. Discontinuités démarquant des changements importants dans son architecture économique. Cette semaine, nous allons étudier les commencements économiques de la Nouvelle-France. L'expansion européenne dans l'Atlantique et la recherche de terres neuves est une aventure à laquelle participent la plupart des puissances européennes au XVIe siècle. Il faut comprendre que cette invasion de l'Atlantique se fait à plusieurs niveaux et pour des raisons diverses. D'une part, les pays qui n'ont pas trouvé l'Eldorado le cherchent toujours, et les souverains vont financer des entreprises d'exploration qui veulent découvrir des terres neuves riche en or et en métaux précieux. Mais il existe une autre face, une face cachée, moins célébrée, de cette pénétration dans l'Atlantique. Ce sont les multiples voyages de pêcheurs, pêcheurs non subventionnés, qui vont amener l'entreprise privée à établir des liens continus entre l'Europe et l'Amérique. On connaît moins bien, évidemment, cette face cachée des explorations atlantiques qui ont laissé peu de traces dans les archives officielles. Mais on connaît d'autre part bien les motifs qui ont inspiré les premières percées françaises subventionnées au Canada. Le professeur Cameron Nish de l'Université Concordia nous les rappelle. Les buts auxquels voulaient arriver les métropoles, la France dans ce cas-ci, n'étaient pas d'établir des colonies dans l'Amérique du Nord ou dans ce qui est devenu la Nouvelle-France. C'était plutôt, comme on peut voir dans les documents se rapportant à Jacques Cartier, le soi-disant découvreur du Canada, qu'il visait traverser le continent. Il avait une idée tout à fait floue de l'immensité du continent. Mais c'est dit très clairement, dans les premiers temps, découvrir des terres nouvelles où est dit qu'il y a beaucoup d'or et de diamants. Et si nous prenons les trois voyages de Cartier, on voit que la première, en 1934, avait but seulement de découvrir le pays, de remonter un peu le fleuve, un peu la rivière, faire une prise de contact avec ces riches indigènes tels qu'ils existaient au Pérou ou au Mexique, parce que c'était le temps de Cortés et Pizarro, et après ça, retourner rapidement en France avec des rapports plutôt flatteurs de ce qu'on pouvait avoir dans ces pays. Bon, pour avoir de l'argent du gouvernement pour soutenir un deuxième voyage. Deuxième voyage, on passe l'hiver dans les alentours de Québec, on fait un contact avec les Iroquois qui étaient dans ce coin-là, qui lui ont raconté toutes sortes d'histoires des royaumes de Stadacona, royaumes de Hochelaga et du royaume du Saguenay. Bon, après avoir passé l'hiver, avec une perte de vie assez importante, on organise un troisième voyage, bon, sous Cartier et sous le sieur de Roberval, un protestant, dirais-je tout de suite. Un copain de François Ier. Le troisième voyage était un voyage d'exploration et de colonisation en même temps. Et là, on a emmené des types, non pas pour travailler la terre, mais pour travailler les métals qu'on pouvait trouver. Et c'est là qu'on a découvert les diamants et l'or du Canada, ce qui a créé l'expression « faux comme un diamant du Canada ». Parce que Cartier a embarqué des barils et des barils de pierre, mais qui n'étaient ni de l'or, ni de diamant. Et là, bon, il retourne en France, on voit qu'effectivement, c'est des métals communs, et la France perd complètement intérêt dans les découvertes de Jacques Cartier. On est à peu près à quel moment, M. Niche? Là, on débute en 1534 avec le premier voyage. 1543, c'est la fin des voyages de Cartier. Et là, il va falloir attendre la fin du 16e siècle, vers les 1590, avant qu'il y ait un renouveau dans l'histoire de l'intérêt de la France en Nouvelle-France. Tout au long de cette période de manque d'intérêt, ce n'est pas que la France n'a pas fait des voyages d'exploration ni de colonisation. Ils ont tenté pendant ces années d'abandon du Canada de s'implanter en Floride, de s'implanter en Amérique latine. Parce que là, ils savaient, ou avaient déjà été, les Espagnols, les Portugais, qui avaient de l'or, qui avaient de l'argent, qui avaient des richesses. Cet abandon de l'exploration officielle dans l'Amérique du Nord-Est ne va pas entraîner l'arrêt des explorations privées. En fait, c'est la pêche. Ce sont les pêcheurs européens venant au large des côtes de Terre-Neuve et plus tard dans le golfe du Saint-Laurent, ainsi que l'écrira Jacques Mathieu, ce sont eux qui vont ouvrir la route à une colonisation du Canada. Pourquoi tant d'importance à la pêche? C'est que la demande de poissons en Europe, surtout dans les pays catholiques romains, elle est très grande. Au XVIe siècle, il y a 153 jours de jeûne par année dans le calendrier religieux, et donc besoin important de poissons. Nous avons vu la dernière fois que les Hollandais étaient les grands maîtres de l'Atlantique. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils soient ceux qui viennent pêcher au large des côtes du Canada et qu'ils colonisent l'Amérique du Nord-Est. Or, tel n'a pas été le cas, comme nous l'explique Denis Delage du collège Édouard Monpetit. Les Hollandais colonisent très peu, mais au plan économique, ils ont un rôle absolument déterminant. Je me suis longtemps posé la question, pourquoi les Hollandais ne prennent pas le contrôle de l'Amérique, ne peuplent pas l'Amérique, eux qui sont partout à travers le monde? Alors, ça pose la question, donc, pourquoi ce sont les Français qui sont venus s'installer dans la vallée du Saint-Laurent? Pourquoi les Anglais sont venus sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre et pas les Hollandais? Quand on y regarde de près, on s'aperçoit que, en fait, au fin 16e, début 17e siècle, les régions de pêche les plus poissonneuses, les plus profitables, étaient celles du nord de l'Europe et celles autour de l'Islande. Et en fait, comme c'était les régions les plus, les meilleures pour la pêche, c'est les Hollandais, la grande puissance de l'époque, qui contrôlaient ces régions de pêche. C'est même les Hollandais qui faisaient toute la pêche sur les côtes de l'Angleterre. Si bien que quand les Français et les Anglais veulent avoir du poisson, ils ne peuvent pas aller dans les meilleures régions parce qu'elles sont déjà contrôlées par les Hollandais. Ils sont donc obligés d'aller loin, donc dépenser beaucoup d'argent parce qu'il faut de longs voyages pour se rendre à Terre-Neuve, attraper du poisson. Alors, en somme, les Français et les Anglais viennent en Amérique parce que les Hollandais occupent toute la place en Europe et dans les zones côtières de l'Europe, et en somme dans toutes les régions où la pêche est excellente. Les Français viennent à la région de Terre-Neuve et les Anglais, et curieusement, à cause de techniques de pêche différentes, les Anglais qui ont peu de sel doivent faire sécher le poisson à Terre-Neuve, donc s'installent tranquillement sur la côte. Et les bateaux doivent se regrouper pour revenir à un nombre restreint de points d'ancrage sur la côte. Les Français qui ont du sel en abondance en ont à leur cale et leur flotte est relativement dispersée. Si bien que quand il y a des conflits, les Anglais ayant une flotte concentrée peuvent facilement refouler les Français qui se font déloger au début du 7e siècle la région de Terre-Neuve et doivent aller à la pêche encore plus loin, c'est-à-dire c'est les plus défavorisés, les plus démunis, les plus faibles, ils doivent aller à la pêche dans le golfe. La pêche à la morue va être fondamentale dans l'explication des commencements économiques du Canada. Cette pêche, comme vient de l'expliquer M. Delage, peut cependant se faire de différentes façons, et la technologie utilisée va avoir des effets importants sur la nature de la colonisation. Ainsi, on peut produire de la morue verte ou de la morue sèche. La morue verte, c'est de la morue salée, salée à mesure qu'elle est prise. Pour saler la morue, il faut évidemment du sel. Du sel, la France en a en abondance, ce qui explique que la France emploie cette technique. Dans ce cas-là, le produit est empilé dans les cales des navires pendant des mois et point n'est besoin d'aborder dans les terres neuves. On retourne chez soi une fois le poisson pris. La production de la morue sèche, de la morue séchée, un produit de bien meilleure qualité, implique qu'il faut mettre pied à terre et faire sécher le poisson avant de le ramener au pays. L'Angleterre a peu de sel, ce n'est pas un pays catholique et donc il y a intérêt à écouler un produit de meilleure qualité sur les marchés étrangers. Voilà qui explique pourquoi l'Angleterre va opter pour la production de la morue sèche et va prendre pied à terre dans l'Amérique du Nord-Est avant la France. Ce passage de la morue verte à la morue sèche, c'est le passage d'une présence au large à une présence sur la terre ferme et les débuts de contact continu avec les Amérindiens, comme nous l'explique Jacques Mathieu de l'Université Laval. Alors que chaque année et régulièrement, tous les ans, de plus en plus de pêcheurs, plus ou moins appuyés par des armateurs ou possédant eux-mêmes leur bateau de pêche, venaient faire la pêche sur les côtes et graduellement en sont venus à s'établir, à pratiquer ce que l'on appelle la pêche à la morue sèche, donc à constituer chaque année des établissements de 150-200 personnes sur les rives, faire sécher le poisson pendant quelques mois avant d'y retourner, et amorcer, évidemment, à ce moment-là, des relations, des échanges avec les nations amérindiennes qui occupaient ces côtes-là. Au début, l'on ne faisait que la pêche à la morue verte. On n'abordait pas les côtes, on restait sur les hauts fonds et on salait le poisson et on le retournait en France. On en est venu à s'établir sur les côtes pour faire sécher le poisson parce que ça permettait de le conserver plus longtemps, d'avoir un produit de meilleure qualité et aussi de pouvoir écouler ce produit-là dans d'autres pays européens ou à l'intérieur même du continent en France. Donc, en fait, le développement de la pêche sèche va amener le développement économique pour la première fois sur les rives du continent nord-américain. Effectivement, et c'est déjà la particularité, c'est que les ressources du continent nord-américain conditionnent à un moment donné et de plus en plus l'action des Français dans le pays. Elles les amènent à s'établir, à vouloir y rester plus longtemps, à échanger ou à obtenir de nouveaux produits de la part des Amérindiens, donc à diversifier leur entreprise économique. Et au moment où la fourrure connaît, je dirais presque une mode sur les marchés européens, que la fourrure devient finalement pour le pêcheur plus payante que la pêche elle-même, ben il commence à faire des cargaisons mixtes et de plus en plus à venir finalement seulement pour obtenir la fourrure parce que c'est un produit qui a un excellent débouché sur les marchés mondiaux. Et c'est un phénomène majeur parce que c'est déjà donc la ressource canadienne qui influence les stratégies économiques des individus et qui influence non pas seulement la stratégie des individus, mais même celle des groupes d'individus et finalement des nations. Parce que pour avoir la fourrure, il faut adopter une autre technique d'exploitation. Ça n'est plus comme la pêche, l'engagement d'une cargaison, l'affrètement d'un bâtiment. Il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, comme la proximité avec les nations amérindiennes qui agissent comme pourvoyeurs de fourrure, comme la possibilité ou l'avantage, en tout cas, à s'y établir de façon permanente pour être toujours là au moment où l'Indien vient offrir sa fourrure. Et donc, la nécessité, finalement, pour les Français de créer un poste ou des postes permanents sur ce continent pour être toujours près des Indiens, pour s'assurer. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'à l'époque, il y a une énorme concurrence entre les nations, entre les compagnies, entre les armateurs et entre les pêcheurs, pour profiter de cette richesse qui est lucrative pour eux. Cette transition, M. Mathieu, qui va nous amener de la morue vers le castor, est-ce que c'est une transition qui correspond à peu près au passage du 16e vers le 17e siècle? Oui. On commence à exploiter la fourrure pour la fourrure en 1580, et le premier établissement permanent, dont un des objectifs économiques primordiaux et la fourrure, c'est l'établissement de Québec en 1608. Donc exactement à la charnière du 16e au 17e siècle. Thank you. Les pêcheries et le commerce des fourrures, la morue et le castor sont éléments déterminants des commencements économiques du Canada. Ces deux produits vont dominer le paysage économique canadien pendant presque deux siècles, et le passage de l'un à l'autre, le passage du Canada d'un rôle d'avant-poste maritime à celui de comptoir et de colonie. Celui qui a mis en évidence le caractère central de ces produits sans grande noblesse dans l'explication des commencements économiques du Canada, c'est Harold Innis, peut-être le plus grand et le plus célébré des historiens économistes canadiens. Ses deux grands livres sur les pêcheries et sur le commerce des fourrures sont des classiques. Innis a simplement montré que les caractéristiques de ces produits et les impératifs imposés par leur exploitation ont eu un impact déterminant sur les premières institutions économiques canadiennes. Par exemple, c'est la nécessité de s'appuyer sur un réseau hydrographique qui draine les régions de cueillette de fourrures les plus riches qui va expliquer l'importance de Tadoussac, une importance imposée par le castor aux Français comme elle s'était imposée auparavant aux Hurons. La localisation de ces postes commandés par le castor va par voie de conséquence donner ses contours à l'organisation économique de la Nouvelle-France. C'est presque à un déterminisme géographique et technique qu'en arrive le professeur Innis, encore que le professeur Abraham Rothstein de l'Université de Toronto ne soit pas prêt d'aller aussi loin en parlant de Harold Innis. Il était, vous savez, de profession, il était premièrement géographe, et ça lui intéresse toujours. Mais ce qu'il a essayé à faire, c'était de nous démontrer que les facteurs géographiques et les facteurs technologiques avaient ces influences sur les contours de l'économie canadienne. Et il a vraiment dit que c'était ce réseau de rivières qui a créé les frontières du Canada enfin et qui était responsable pour ce réseau de traite de fourrure. Mais je ne pense pas qu'il était en plein compte déterministe de n'importe quoi. Il a expliqué l'importance de ces facteurs et surtout ce que les économistes ont les tendances d'oublier, que les facteurs technologiques ont leurs contraintes, leurs limitations et aussi les facteurs géographiques. Et pour l'économiste, vous savez, ils ont seulement ces commodités anonymes, n'importe si nous parlons des fourrures, des blés, aux des manteaux, ils sont tous commodités, ils ont un prix, il y a l'offre et la demande, et c'est une forme d'être un peu aveugle à cette grande scène sociale, géographique et technologique. Alors, il changeait la balance de ces facteurs. Je ne crois pas moi-même on peut l'accuser d'être déterministe, mais je sais bien qu'il y a une controverse, une grande controverse sur ce sujet. À côté de ces forces du milieu contraignant le développement économique dans certaines directions, il y aura aussi la volonté des Européens, volonté de tirer profit de ces ressources et de bâtir une économie selon des plans. C'est en fait dans l'interaction entre les forces contraignantes du milieu et les forces mobilisées par les plans que vont naître les structures économiques, que va se tisser la trame institutionnelle de la Nouvelle-France. Cette volonté de planifier, ainsi que nous l'explique Jacques Mathieu, elle est là dès le début, avec Champlain. Champlain, il avait un plan de développement très large. Il voulait développer toutes les ressources économiques du pays et il prévoyait que la France retirerait de son exploitation quelque 5 200 000 livres par année. En gros, les principaux articles de son programme, les pêches rapporteraient 1 à 2 millions, les mines rapporteraient certainement 1 million, la forêt rapporterait quelque 400 à 500 000 livres par année, les sous-produits de la forêt rapporteraient quelque 400 à 500 000 livres aussi, la fourrure également 400 000 livres. Et il dit pour l'agriculture, quant à l'agriculture, on y verra selon les besoins. Mais de ce programme de Champlain, finalement, il n'y a qu'une chose qui sera réalisée, et je pense que Marcel Trudel est un des premiers à l'avoir bien dit et bien démontré, c'est le commerce des fourrures, la seule entreprise économique importante au XVIIe siècle, le commerce des fourrures, qui rapportera, selon les prévisions que Champlain lui-même avait faites. Dans tous les autres secteurs, on sera encore pendant très longtemps au niveau des expériences, des vérifications, des examens, des enquêtes. Et on réussira parfois à amorcer de petites entreprises, mais qui seront habituellement temporaires et qui disparaîtront rapidement. Monsieur Mathieu, pourquoi est-ce que le plan de Samuel de Champlain a échoué? Pour plusieurs raisons. La première, la plus fondamentale, je pense, c'est une raison démographique. Il y a trop peu de Français qui ont émigré au pays. Et les ressources que l'on a développées n'appelaient pas non plus beaucoup d'Européens. Le commerce des fourrures n'a pas besoin d'une main-d'œuvre très considérable. C'est une activité d'échange. Et un individu peut, surtout s'il reçoit chez lui, je dirais presque bien tranquillement assis, les Indiens qui viennent lui porter les fourrures, il peut avoir un niveau d'échange très considérable. L'évangélisation des Indiens n'avait besoin aussi que d'une toute petite poignée de missionnaires et non pas de grandes familles bien établies. Quant à l'agriculture, il s'agissait là d'un mode de vie qui pouvait être extrêmement intéressant et qu'on a tenté de développer très certainement, mais avec plus ou moins de succès pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'un individu va là où il peut espérer une meilleure qualité de vie. Il faut mettre en parallèle ce que pouvait représenter la Nouvelle-France. Un pays froid, désert, inaccessible, rempli d'Indiens belliqueux. C'est ce qui explique, M. Mathieu, qu'en 1627, on a une centaine de personnes seulement au Canada. Exactement. En 1627, on a une centaine de personnes, on a seulement 5 familles, et ces gens-là sont au service de la compagnie essentiellement. Le plan de Champlain va donc faire faillite, mais on ne va pas abandonner pour autant. Puisque le secteur privé, même armé d'un monopole sur le commerce des fourrures, n'arrive pas à lancer le développement économique et à coloniser la Nouvelle-France, le grand ministre français Richelieu va utiliser l'État et son pouvoir moral pour mobiliser des énergies et des finances nouvelles. On crée la Compagnie des 100 associés. Lucien Campeau est professeur-chercheur à l'Université de Montréal. C'est une enrégimentation, ça c'est très clair. Maintenant, c'est une enrégimentation parce que celle qu'on avait essayée précédemment sous le régime des compagnies commerciales n'avait pas réussi. N'avait pas réussi parce qu'on les chargeait de faire la colonisation, c'est-à-dire l'établissement d'une colonie française, à même les profits qu'ils feraient du commerce des fourrures. Or, ça n'avait pas marché pour deux raisons. Premièrement, parce que ça diminuait les profits, et comme c'était des marchands, ils voulaient avant tout faire des profits. Et deuxièmement, parce que, en réalité, l'œuvre de colonisation était une œuvre trop coûteuse pour pouvoir vivre à même les profits de la fourrure. Et on a mis en tête du programme de la Compagnie des Cent Associés l'établissement de la société, et on lui a donné le commerce et le contrôle du commerce pour lui permettre de faire cette colonisation. C'est-à-dire que le commerce est un moyen, tandis que c'est la colonisation qui est une fin. Dans les compagnies précédentes, le commerce était ce que voyaient d'abord les marchands, et la colonisation était une charge, en quelque sorte, surimposée. Il semble donc, M. Campo, que la Compagnie des Cent Associés, par rapport à ses précédentes, est un peu comme une compagnie mixte, ce qu'on appellerait dans le langage moderne une compagnie de la couronne par rapport à une compagnie privée. Oui, et à l'époque, je crois que la chose est intéressante, ça ressemble à une compagnie de la couronne, à la différence que les fonds ne sont pas fournis par l'administration. Les fonds sont privés, mais les responsabilités sont publiques. Et alors, ce sont même des responsabilités royales, à tel point que cette compagnie-là, quand elle sera en difficulté, ne pourra pas faire banqueroute, parce que ça serait abandonner une partie de la France. Vous comprenez, le roi ne peut pas abandonner une partie de la France. Malgré tout, M. Campo, cette compagnie de la couronne ne va pas réussir à aménager le territoire assez vite, assez bien, avec assez de profit, pour pouvoir vraiment dire en 1645 qu'il y a succès. On voit en 1645 la compagnie abandonner presque ses responsabilités aux habitants du pays. Oui, dire qu'elle n'a pas réussi, c'est peut-être un peu trop dire, parce qu'elle a fait quelque chose. Il y a une petite société d'environ 500 ou 600 personnes quand même d'établies à Québec à ce moment-là, et ça, c'est le mérite de la compagnie. C'est un commencement. Les commencements sont extrêmement durs, extrêmement coûteux, et puis il est clair également que la compagnie n'a pas attendu les profits pour faire les dépenses. Donc, c'était un investissement. Un investissement qui ne pouvait rapporter qu'à long terme. À ce moment-là, en 1645, la compagnie sort de difficultés financières particulières. Elle a failli faire banqueroute. Et elle n'a pas fait banqueroute seulement parce que le roi était intervenu pour faire payer les propres actionnaires de la compagnie, leur faire payer les dettes. Alors, à ce moment-là, donc, elle vient de passer une expérience traumatisante, si vous voulez, et les habitants eux-mêmes demandent de prendre sur leurs épaules les responsabilités même de la compagnie, et de, pourvu, à condition d'avoir aussi le commerce, et puis de conduire l'affaire eux-mêmes sous la direction de la compagnie. Les responsabilités même de la compagnie, et de, pourvu, à condition d'avoir aussi le commerce, et puis de conduire l'affaire eux-mêmes sous la direction de la compagnie, mais direction lointaine. deuxième échec, donc, et on n'est pas encore rendu au milieu du XVIIe siècle. Échec plus mitigé, peut-être, puisque cette forme mixte d'organisation qu'était la Compagnie des 100 associés a quand même réussi à stimuler un peu d'immigration. Le commerce des fourrures demeure cependant le seul grand pôle de croissance. Un pôle de croissance qui commence, cependant, au milieu du XVIIe siècle, à donner des signes de difficulté, parce que tous ces efforts d'implantation en Nouvelle-France, et puis au sud, en Nouvelle-York, en Nouvelle-Hollande, vont avoir pour effet de déclencher toute une série d'ajustements dans le système socio-économique amérindien. Certains ont vu dans ces ajustements une réaction économique normale des Amérindiens, Amérindiens ajustant leurs institutions pour faire face à la situation nouvelle créée par l'arrivée des Européens, lesquels, par leur demande accrue pour les fourrures, avaient contribué à en augmenter la valeur, à donner une valeur commerciale au gibier qui, auparavant, n'avait que valeur d'usage. Le résultat, selon Jean-Luc Biguet, un économiste spécialisé dans l'économique des droits de propriété et un économiste qui s'est intéressé récemment aux problèmes d'histoire économique, eh bien, le résultat a été un ajustement normal des institutions économiques selon des directions qui s'expliquent par la rationalité économique. Ici même, en Amérique du Nord, et plus particulièrement dans le nord du Québec, les droits de propriété, les droits d'usage du gibier, en quelque sorte, étaient communs. C'est-à-dire que chez les Indiens montagnais, je crois du nord du Québec, près du Labrador, hein, même au lac Saint-Jean, les droits de propriété étaient communs, c'est-à-dire que chaque individu avait le droit de faire la chasse sur toute l'étendue du territoire. Et ça, jusqu'à l'avènement des Blancs, jusqu'à l'avènement des Européens, la raison en étant que pour, il y avait surabondance de gibier pour les besoins de la société indienne de l'époque, si bien que, compte tenu du coût qu'il aurait fallu encourir pour faire exercer des droits individuels, puis de partager le territoire, puis de protéger l'exclusivité d'usage du territoire, et compte tenu du fait qu'il y avait du gibier en surabondance, on a jugé préférable de s'en tenir aux droits de propriété communs. Avec l'avènement des Européens et la traite des fourrures, le prix de la fourrure s'est élevé dans des proportions sensibles là, pour les Indiens, si bien qu'il devenait rentable à ce moment-là de modifier la structure des droits, parce que là, la rareté de gibier s'accroissait, particulièrement du castor, si bien que les Indiens, très spontanément, en négociant entre eux, en sont venus à substituer les droits individuel à l'usage du gibier à des droits communs. C'est-à-dire que le territoire a été fractionné en superficie réservée à chaque famille indienne qui, donc, en avait un usage exclusif. Donc, voilà qu'on est passé. Parce que, encore une fois, avec l'avènement de la hausse de la demande, l'arrivée des Européens, donc, il y avait danger très net de surexploitation du gibier. Donc, de sa disparition pure et simple. Parce que, encore une fois, pour les mêmes raisons qu'on retrouve dans d'autres phénomènes aujourd'hui, dans d'autres régions, le droit, la propriété commune, en vente, tendance à la surexploitation des ressources, chacun des exploitants ayant intérêt à l'exploiter au maximum pour ne pas en laisser à ses voisins. Si votre hypothèse est correcte, M. Miguet, on comprend que les droits de propriété vont changer de temps en temps, quand le contexte économique change. Mais on devrait aussi croire que ces droits de propriété ne seront pas les mêmes pour toutes les tribus indiennes, ce qui fait que certaines tribus qui n'ont pas de fourrure commercialisée vont demeurer dans le monde de la propriété commune. Il semble bien en effet que ce régime de propriété individuelle de la fourrure soit spécifique à certaines régions de l'Amérique du Nord au temps des Indiens. Par exemple, au nord, dans le nord-est ici, au Québec et en Ontario. Il semble qu'il y en ait eu aussi dans le nord-ouest américain. Mais par contre, dans d'autres régions, en effet, le sud-ouest, si ma mémoire est bonne, la propriété est restée commune. Pourquoi? Probablement parce que l'hypothèse veut que la raison en soit que il n'existe pas de gibier jouissant d'une valeur commerciale suffisante Et d'autre part, le coût d'exercice des droits était probablement beaucoup plus élevé parce que le gibier qui existait, comme le bison ou sans doute d'autres animaux, n'était pas sédentaire comme ici. C'est-à-dire qu'il se promenait, contrairement au gibier des forêts, c'était du gibier des plaines là, qui se promenait sur de grandes étendues. Et alors, on aurait eu beaucoup de difficultés à faire valoir des droits à un gibier particulier qui se déplaçait constamment. Donc, le coût d'exercice du droit était élevé et le bénéfice probablement assez faible parce que la valeur commerciale était plus faible. Donc, voilà, dans un même territoire, soit l'Amérique du Nord, l'invention de droits individuels à l'usage des ressources dans un coin et la propriété commune dans l'autre, qui correspond à une rationalité donc tout à fait conforme à ce qu'enseigne l'économiste. Mais il y a plus que de simples changements du type de droit de propriété. Le commerce entre Amérindiens et Européens est plus complexe. Et la commercialisation des fourrures va aussi avoir un impact global déterminant sur le comportement des groupes amérindiens. Ce qui est en jeu, c'est plus qu'un simple commerce ordinaire. Ce sont des rapports plus complexes qui lient les Européens et les Amérindiens. Rapport qu'a étudié le professeur Abraham Rothstein de l'Université de Toronto. Rapport qui déborde nos concepts de marché. Nous avons toujours l'idée que le commerce, nous le comprenons tous, et c'est très simple, et c'est toujours la même chose. Il y a des prix, on marchande un peu avec les Indiens, avec la Nouvelle-France et autre chose comme ça. Le commerce vient quelquefois dans des très autres formes. Et pour la traite des fourrures, c'est important. Nous comprenons le commerce selon le marché, c'est dirigé par les prix, les relations sont impersonnelles. Le commerce, et c'est très important, est toujours à bout de bras. Quand vous entrez, par exemple, à Eaton's ou à Simpson's et vous achetez quelque chose, on ne demande pas qui est votre grand-mère, qui êtes-vous. Vous avez l'argent, il y a des prix, vous voulez, vous achetez, vous ne voulez pas, vous n'achetez pas. C'est le commerce impersonnel, à bout de bras. Mais il y a des autres formes, et surtout dans l'histoire du Canada, les autres formes sont très importantes. La forme la plus importante, je crois, c'est le commerce administratif, où, en général, les prix sont fixés. Fixés par des modes traditionnels, ou des gouvernements, ou des chefs des tribus, n'importe, mais ils restent presque toujours les mêmes prix. Et les marchandises ne varient dans leur prix. Et je crois que ce que nous n'avons pas suffisamment compris sur la traite des fourrures, ce n'était pas une compétition des prix. C'était un commerce administratif. L'historien anglais, qui s'appelait E.E. Rich, a fait beaucoup de travail sur ce sujet de traite des fourrures. Après avoir travaillé 30 ans sur ce sujet, il a dit: avec la traite des fourrures, il y avait beaucoup qui était formel et social et non pas économique. Il y avait, disait-il, toujours les mêmes sortes de cérémonies. Avec les Indiens, on n'achetait pas et on ne vendait pas tout à coup les fourrures. Il y avait une cérémonie de 5 jours. On buvait, on causait un peu, on fumait qui allumait de pays, et on disait surtout que nous étions frères, alliés, camarades et toutes ces choses. On devait créer une alliance. Et Rich a trouvé ces cérémonies sociales un peu étranges, difficiles à comprendre. Mais la deuxième conclusion, il a dit, et je cite mais en français qu'il avait écrit en anglais, on ne peut pas éviter la conclusion que dans le commerce avec les Indiens, le mécanisme de prix ne travaillait jamais. Ah, ça veut dire qu'on n'avait jamais une réponse à des prix. Vous savez, ce mécanisme, quand les prix sont plus hauts, ça veut dire incentif pour les Indiens d'apporter beaucoup plus de fourrure. Et quand les prix sont plus bas, ça veut dire qu'ils doivent offrir moins. Mais il ne répondait jamais de cette façon. Il ne comprenait pas du tout ce que ça veut dire de changer le prix. Il ne comprenait jamais cette idée de changer le taux d'échange, par exemple, d'un castor et une hachette. Ça reste toujours deux pots de castor pour une hachette. Et on ne peut pas changer ça jamais. Alors, Rich a créé une petite confusion pour les économistes classiques et traditionnels, car ils ne peuvent pas comprendre une situation où les prix ne changent jamais. Et quand j'ai fait quelques recherches dans les livres de la compagnie d'Hudson Bay, j'examinais moi-même les livres pour York Factory et Albany pour un siècle, ça veut dire 110 ans. Et j'examinais ces articles, les taux de change, et je peux vous dire qu'il y avait pour un siècle 55 articles qui étaient là pendant 100 années. De ces 55 articles, 35 ne changeaient jamais et les autres un très petit peu, presque jamais. Et ça nous donne cet paradoxe d'un commerce qui, on s'imaginait toujours, était beaucoup, plein de marchandises, de barguignées, des choses comme ça, mais jamais les prix changeaient. J'ai la même impression, mais nous n'avons pas ces livres maintenant. Malheureusement, les livres des compagnies de la Nouvelle-France ont disparu, on les a perdus. On ne peut pas établir ces choses avec ces détails que nous pouvons avec la compagnie de Hudson's Bay, mais j'ai la même impression que c'était des institutions primitives. Les conceptions des Indiens, comment on doit conduire le commerce qui était prévalent, qui était dominant dans la situation. Il semble donc, M. Rothstein, que ce seraient les concepts des Amérindiens qui auraient dominé les concepts des Européens, que les Amérindiens auraient imposé leur façon de faire du commerce sans marché à leurs confrères européens. Exactement. Et pour comprendre quelle sorte de commerce c'était, il faut comprendre leurs institutions politiques et pas surtout économiques. Et ils vivaient surtout dans un continent qui était brisé par des guerres sans cesse. Pour eux, la priorité était toujours la sécurité. La sécurité pour n'être pas attaqué avec des surprises et quelque chose comme ça. Ils créaient toujours un réseau complexe politique avec leurs alliances. Il n'y avait pas jamais des relations entre deux tribus indiennes sans créer une alliance. Ça veut dire avec une cérémonie, avec cette même calumet de paix, avec les déclarations qu'ils seraient toujours les frères et on ne se battait jamais, quelque chose comme ça. Je veux dire, selon mes recherches, les institutions politiques pour créer les alliances étaient exactement adaptées pour l'économie. Et si vous me permettez, je vais vous citer un paragraphe d'un ancien voyageur, un ancien écrivain, le baron Lafiteau, qui avait écrit ce fameux livre « Mœurs des sauvages américains ». Et je cite de volume 2. « Les festins et les danses que font les sauvages en allant en traite chez les autres nations font de leur commerce un divertissement agréable. Ils passent de l'un à l'autre comme quand ils y vont en ambassade. » Et c'est la phrase importante. Ils conduisent le commerce exactement de même façon comme ils conduisent des négociations politiques. on peut comprendre pourquoi sécurité et stabilité sont des valeurs centrales pour les Amérindiens et pourquoi négociations politiques et tractations économiques sont intimement liées. En fait, pour nombre de ces groupes, c'est une question de survie, et ce encore davantage après la pénétration des Européens en Amérique du Nord-Est, ce à cause de la concurrence accrue entre Amérindiens que cette concurrence européenne dans l'Atlantique a déclenchée. Il y a transformation dans la nature des conflits entre groupes amérindiens. M. Denis Delage explique comment sont apparues les guerres économiques qui vont finalement anéantir la Huronie. Traditionnellement, il y avait des guerres entre les sociétés amérindiennes. Je pense qu'il faut d'une part refaire largement l'histoire nord-américaine pour redonner aux Amérindiens la place qui leur est due. Il ne faut pas en faire non plus des sociétés idylliques, une espèce de ciel passé où on vivait en harmonie dans des sociétés égalitaires et sans guerre. C'était des sociétés où il y avait des guerres de frontières, mais qui en fait relevaient plus de ce qu'on pourrait appeler de la vente d'État, où on vengeait à tour de rôle et à l'infini ses morts. Et c'était des guerres qui avaient largement une fonction sociale, c'est-à-dire qu'il fallait faire la preuve de son courage, de son héroïsme par la guerre et par des activités guerrières. Mais dans l'ensemble, avant l'arrivée des Européens, les guerres n'ont pas de fonction économique, c'est-à-dire qu'elles ne visent pas à éliminer des populations entières ou à les refouler sur d'autres territoires. Ce qu'on sait, c'est que la région de Montréal et jusqu'à l'île aux Coudes était occupée par une famille iroquoienne. Cartier les a rencontrés quand il est venu et quand Champlain est arrivé, ils sont disparus. On s'est longtemps demandé ce qui est arrivé de ces populations. En fait, il y a deux explications qui sont les plus probables. Il y a d'abord les épidémies, c'est-à-dire qu'ils étaient les plus proches des Européens, ils ont été les premiers frappés par les épidémies. Et la deuxième est qu'ils ont probablement été évincés par les Iroquois qui ont dû les éliminer pour avoir eux-mêmes directement accès aux marchandises de traite européenne. Mais ce type de guerre et d'élimination de population et ce type de guerre là, où on acquiert des territoires, où on fait disparaître des populations, ça apparaît vraiment avec le commerce des fourrures. Il ne semble pas que ça existait auparavant. On sait que la Nouvelle-France va vivre une période d'efforts d'implantation économique dont beaucoup d'historiens ont dit que ça avait été un échec, que donc le 17e siècle avait été un effort de mise en place d'un comptoir, d'une base économique en Nouvelle-France qui n'avait pas pris aussi bien que la Nouvelle-Hollande, que la Nouvelle-York. Est-ce qu'en fait on peut faire déjà l'histoire comparée de ces deux colonies en train de naître? Oui, et ce qui est surprenant, c'est que ça soit, en un premier temps, la Nouvelle-Hollande qui a été éliminée. Parce que si on regarde la période là, qui va du début du 7e siècle jusqu'en 1664, c'est vraiment la Nouvelle-Hollande qui l'emporte. Et la Nouvelle-Hollande est, on peut dire dans l'ensemble, un succès économique, et la Nouvelle-France est un échec. Curieusement, les Français se sont alliés à la population amérindienne la plus importante et la plus forte, et celle qui était hégémonique, c'est-à-dire les Hurons. On a souvent dit que les Français ont fait l'erreur de s'associer aux Hurons alors que les plus forts étaient les Iroquois. C'est absolument faux. La grande confédération hégémonique, c'était celle des Hurons, et les Français ont eu l'avantage des premiers arrivants qui a consisté à s'allier la principale confédération. Alors on peut se demander, mais comment ça se fait que les Français, associés à la principale confédération, ont été finalement battus par les Hollandais, parce que c'est vraiment ce qui est arrivé. Les Hollandais se sont associés aux Iroquois, peu habitués au commerce, ayant un réseau d'alliances nettement moins élaboré que les Hurons. Sauf que les Hollandais sont des commerçants qui ont des produits compétitifs, qui ont des marchandises de qualité, et ils donnent à leurs partenaires beaucoup plus de produits en échange des fourrures que ne le font les Français. Et ça va avoir pour effet de modifier complètement le rapport de force entre les Hurons et les Iroquois et les Européens d'une manière générale. Et on sait que l'acquisition d'outils de métal est déterminante pour les sociétés amérindiennes. Ça permet de réduire le temps de travail. Et évidemment, aussi, ça accroît l'efficacité guerrière. Mais à partir de 1640, il y a une autre marchandise qui entre, ce sont les armes à feu. On s'était bien gardé d'en vendre aux Amérindiens avant 1640, parce qu'on considérait que c'était dangereux et que les Amérindiens risquaient de bouter les Européens à la mer. Mais autour de 1630-40, La concurrence se fait vivre entre les Anglais sur la côte, les Hollandais et les Suédois. De plus, les Hollandais réalisent à partir de 1630 qu'ils risquent de perdre leur colonie parce que les Anglais peuplent. Et ils s'aperçoivent que, bon, pour faire le commerce de fourrure, il vaut mieux avoir aussi peu d'habitants que possible parce que ça permet de limiter la concurrence entre blancs et de maintenir des prix. Mais qu'en ayant une colonie peu peuplée, on risque de se faire conquérir par les voisins anglais. Alors, ils se mettent à peupler dans une politique concertée visant à contrer la poussée anglaise. Ils se mettent à peupler. Et dans la mesure où, d'une part, la concurrence est vive entre anglais, hollandais et suédois, dans la mesure, d'autre part, où le peuplement de la Nouvelle-Hollande progresse assez rapidement et où se multiplie le nombre des traitants, et dans la mesure aussi où on laisse la traite libre à Fort Orange, les marchandises de traite pénètrent en très grand nombre chez les Iroquois, et en particulier les armes à feu. Or, ça pourrait faire rapidement de modifier le rapport de force entre les Hurons et les Iroquois. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le rapport d'échange qui s'établit entre Européens et Amérindiens est partout, tout le temps, un rapport d'échange inégal. C'est, pour prendre une image de style, un cheval et un lapin, c'est-à-dire que les Amérindiens donnent beaucoup de fourrure pour une quantité réduite de marchandises de traite, et dans la mesure où les Amérindiens participent au commerce des fourrures, ils s'intègrent au marché mondial, et la valeur de leur fourrure est fixée sur le marché mondial. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est un échange qui est absolument inégal, au sens où, en termes de temps de travail, les Amérindiens remettre peut-être l'équivalent de 10 à 20 heures de travail pour une heure de travail qu'ils reçoivent. Alors, ça les oblige à aller chercher toujours plus de fourrure pour échanger avec les Européens, des marchandises dont ils ont toujours plus besoin pour maintenir le rapport de force avec les autres tribus amérindiennes. Alors, les Iroquois et les Hurons ne font pas exception, et ils épuisent rapidement les ressources fauniques. Alors, dans la mesure où ils les épuisent, ils doivent agrandir leur territoire de piégeage, ce qui amène des guerres. Et c'est dans ce contexte qu'ont lieu les dernières guerres entre Hurons et Iroquois dans la période de 1640-1649, jusqu'à la disparition complète de la Huronie et la victoire des Iroquois. La disparition de la Huronie va engendrer des transformations importantes dans le commerce des fourrures. C'est tout le réseau de la traite qui est à reconstruire, à refaire. On ne pourra plus désormais attendre que les Amérindiens apportent leur fourrure dans la colonie. Il faudra aller les chercher soi-même. Lentement, on verra apparaître un acteur nouveau sur la scène économique de la Nouvelle-France, le coureur de bois. La semaine prochaine, nous examinerons les changements dans l'organisation socio-économique de la Nouvelle-France dans la dernière moitié du XVIIe siècle. Les personnes désirant se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal H3C 3A8. À la recherche, Claude Grenier et Wayne Smith. Conseiller musical, Martin Pagé. À la technique, André Lexmont. Assistante à la production, André Giguère. Texte et entrevue, Gilles Paquet qui vous parle. Histoire économique du Canada est une émission de Jean-Claude Labrecque.